Chapitre 18e. Cette fois, Ikoteruka tomba d'une hauteur de 2 mètres à peine. Il se redressa aussitôt et sentit de nouvelles piqûres, plus douloureuses que les autres, s'enfoncer dans ses chevilles et dans ses pieds. Cette fois, c'étaient les scorpions. Ikoteruka, se baissant, écrasa entre ses doigts plusieurs des horribles arachnides. Mais que lui importait? Cela, il avait prévu avant de s'introduire à bord du Yue. Il avait donc absorbé un contrepoison destiné à rendre inoffensif le venin des scorpions. Sans s'inquiéter des immondes bêtes, il avança dans les ténèbres. Il comprenait la pensée des bandits. Ceux-ci l'avaient enlevé afin de ne laisser aucune preuve de leur forfait à Macao. Ils l'avaient enlevé comme ils avaient dû enlever Atao et comme ils auraient enlevé Afo s'ils n'avaient préféré le laisser à Macao, afin qu'on accusât M. de Meio de l'avoir assassiné. Écrasant sous ses pieds les innombrables scorpions qui grouillaient sur le sol, Ikoteruka, une heure durant, chemina à l'aveuglette, au hasard, devinant qu'il revenait sur ses pas, que la chance seule pouvait le sauver. Sa fatigue et son épuisement croissaient, il titubait, se traînant plus qu'il ne marchait. Et malgré le contrepoison qu'il avait pris, le venin des scorpions, s'il ne le tuait pas, contribuait encore à l'affaiblir. Soudain, il crut apercevoir une lueur devant lui. Il fit appel à ses dernières forces et hâta le pas. Il ne s'était pas trompé. À 1,50 m au-dessus du sol, une ouverture rectangulaire était percée dans la paroi. Ikoteruka, à tâtons, sentit qu'elle était garnie d'une forte toile métallique, sans doute pour empêcher les scorpions d'y passer. Il n'eut pas de peine à la déchirer, et cédant des aspérités de la muraille, s'introduisit dans l'ouverture. Il s'engagea ainsi dans une sorte de boyau carré, d'environ 60 cm de côté, qui s'élevait en pente douce. À grand-peine, le fugitif avança. Devant lui, il distinguait de plus en plus visible la clarté du jour. Pendant une longue demi-heure, il usa tout ce qui lui restait de force et finalement déboucha dans un cellier où étaient empilées des provisions de toutes sortes, viande desséchée, riz, sucre, liqueur. Ce cellier était aéré par un large soupirail qui devait donner sur une cour. Mais impossible d'y passer, une épaisse grille de fer le fermait. Et d'autre part, il y avait plusieurs Chinois dans la cour. Bien que ne les voyant pas, Ikoteruka entendait leur voix. Pour se donner des forces, il mangea quelques poignées de sucre en poudre qu'il prit dans un sac, avala une longue gorgée d'eau-de-vie et de riz, et réconforté, se dirigea vers une porte placée en face du soupirail. Elle était fermée. Ikoteruka, heureusement, trouva presque aussitôt un ciseau à froid servant à ouvrir les caisses et qu'il employa à dévisser la serrure, ce qui lui prit à peine 5 minutes. La porte donnait sur un long couloir. Ikoteruka s'y engagea et aboutit devant un escalier de bois qu'il gravit. Il arriva ainsi au rez-de-chaussée, dans une vaste pièce où étaient rangés des outils de jardinage. Ikoteruka, à tout hasard, prit une serpette qui pouvait lui servir à se défendre et ouvrit une porte qu'il vit devant lui. L'ayant franchi, il se trouva dans un nouveau couloir, le long des parois duquel il reconnut, peint en vert, le sinistre scorpion. Autour de lui, le silence était complet. Il marcha en s'efforçant d'étouffer le bruit de ses pas. Il s'arrêta soudain, en entendant, à travers une porte placée sur sa gauche, un murmure de voix. Il s'approcha, colla son oreille au panneau et reconnut l'organe rauque du capitaine Bork. Des tintements métalliques frappèrent ses oreilles. Il se baissa, regarda à travers le trou de la serrure et se redressant, enfonça la porte d'un coup d'épaule.